Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Il est souvent question ici le mardi des planètes lointaines, de galaxies éloignées, d'étoiles distantes, et il y a pourtant pas si loin de nous, à environ 150 millions de kilomètres, une étoile que l'on imagine bien connue, et pour cause c'est la nôtre. Eh bien, détrompez-vous, le Soleil résiste à notre compréhension à bien des égards, comme par exemple pourquoi fait-il 6000 degrés en surface et 2 millions quand on s'éloigne dans la couronne, questions qui résisteront tant que l'on n'y sera pas allé voir de plus près. C'est exactement le sens de la mission Parker Solar Probe qui a décollé le 12 août dernier et qui doit être au moment où nous parlons environ à mi-chemin entre la Terre et Vénus. Parker Solar Probe, un peu plus près du Soleil, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour évoquer l'état de nos connaissances scientifiques sur notre chère et belle étoile et comment cette nouvelle mission doit les enrichir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Milan Maksimovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris au LESIA, qui est le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Bonjour Alain Sachabrin. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CEA, chef du laboratoire dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur les ondes de France Culture, en podcast. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et même en podcast, vous pouvez retourner sur notre fil Twitter, @laméthodefc, pour consulter eh bien tous les articles, tous les liens que nous allons poster comme chaque jour au fil de cette émission pour en enrichir l'écoute. Mais pour commencer, bien cette sorte de paradoxe que je citais en introduction, à savoir une méconnaissance toute relative, bien sûr, de notre propre étoile malgré sa proximité, eh bien cela fait près d'un siècle que les scientifiques tentent de la résorber, cette méconnaissance, et ce, bien avant l'exploration spatiale. Écoutez cet archive de 1956. Il est certain que la radioastronomie solaire s'est développée considérablement. Le Soleil nous envoie, bien entendu, du rayonnement de toutes les longueurs d'onde. C'est spécialement intéressant parce que les couches qui entourent le Soleil sont transparentes au rayonnement visible et opaques au rayonnement radio, si bien que le rayonnement radio que nous recevons vient de couches qui sont invisibles dans les conditions normales d'observation. La couronne, par exemple, qui est un nuage de matière extrêmement ténue, n'est visible pour tout le monde que pendant les éclipses totales, mais pour les radioastronomes, elle est observable tous les jours. C'est donc par l'étude continue du Soleil radio que l'on peut accumuler des renseignements précieux sur la couronne. D'ailleurs, la physique solaire s'est développée non seulement dans le domaine des ondes radioélectriques, mais dans le domaine optique, d'une façon considérable au cours des dernières années. C'est une vieille tradition de l'Observatoire de Meudon, permettez-moi d'en parler, que de préciser notre connaissance du Soleil. Je me permets de rappeler les travaux passionnants de Bernard Liot, qui ont permis d'observer tous les jours la couronne, au pic du midi, avec une lunette qui s'appelle le coronographe. Cette observation permet actuellement, concurremment aux observations radio, de suivre l'évolution de la couronne jour après jour. Or, vous savez que l'activité solaire est très variable. Il y a des périodes de maximum d'activité et des périodes de minimum d'activité. Le dernier minimum d'activité était aux environs de 1954. Voilà, l'archive date, elle, de 1956. Vous venez d'entendre la voix de Jean-Claude Becker, qui est l'ancien directeur de l'Observatoire de Meudon, dont l'émission La Tribune du Progrès. Voilà, ça a toujours été paradoxalement assez compliqué, finalement, d'observer ce soleil alors qu'il est si proche de nous, Alain Sachabrin. Ben oui, comme le dit très bien Jean-Claude Péquer, le Soleil, on pense qu'il est, qu'on le connaît bien, que c'est ce disque immaculé, jaune, parfait. Et en fait, dès qu'on commence à vraiment regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il est plein d'irrégularités et plein de variabilités. Et c'est ces deux aspects que nous cherchons à comprendre. Milan Maximovitch, sur cette archive. Sur cette archive, on entend parler Jean-Claude Péquer de l'observation de la couronne. Donc il va être beaucoup question au cours de cette heure. Il va être beaucoup question de la couronne dans cette émission. La couronne, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on voit lorsqu'il y a une éclipse de soleil, qu'on a la chance d'être au bon endroit sur la Terre et que la Lune, qui a le bon goût d'avoir le même diamètre apparent que le soleil, passe devant le soleil, cache le disque solaire, la photosphère, qui est la partie dont sont émis les photons lumineux du soleil. Et on voit apparaître ce halo blanchâtre, dont on voit qu'il est très structuré par le champ magnétique du soleil, on y reviendra peut-être. Et ce halo blanchâtre, c'est la couronne, c'est l'atmosphère du soleil. C'est ce qui donne lieu à ces magnifiques photos d'éclipses. On va vous en poster quelques-unes pour le plaisir, justement, sur notre fil Twitter. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, non pas en 1956, mais en 2018, qu'est-ce qui empêche de faire une observation exhaustive du Soleil depuis le sol, Alain Sacha Brun? Quelles sont les limites physiques ou technologiques qui nous empêchent, finalement, d'avoir une observation complète de notre étoile? Ben, l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre filtre énormément de longueurs d'onde. Donc ici, je pense qu'on peut expliquer assez simplement aux auditeurs que vous savez que les photons, donc le signal électromagnétique, donc est sur plusieurs longueurs d'onde. Hein, on va de l'infrarouge aux rayons X et UV et tout ça. Donc bon, toute une gamme. Et l'atmosphère filtre beaucoup de ces phénomènes. En particulier dans l'infrarouge et aussi dans les hautes énergies. Et donc, pour mieux comprendre la couronne, généralement, comme elle est chaude, il est préférable de la regarder à haute énergie, basse longueur d'onde, donc plutôt dans l'UV, dans le rayon X. Dans l'ultraviolet. Mais après aussi en radio, comme ça a été dit. Et donc, du coup, l'atmosphère, il faut donc des moyens spatiaux. Et donc, c'est ce qui a été fait avec différents satellites qui sont donc toute une série depuis, à partir de l'ère spatiale, on a commencé à envoyer des satellites haute énergie, pour observer la haute énergie du Soleil et les missions. Milan Maximovitch, c'est qu'une question de longueur d'onde. Il y a aussi d'autres problèmes d'ordre électromagnétique également. Alors, il y a des problèmes, disons, électromagnétiques qui sont liés au fait que cette couronne, en fait, est un état de la matière un peu particulier. C'est un plasma. Alors, il faut peut-être juste rappeler rapidement ce qu'est un plasma. Dans un gaz neutre comme celui qu'on respire dans cette pièce, Les électrons, donc les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons. Pour faire simple, les électrons tournent autour de noyaux et ça fait donc des atomes. Dans un plasma, les électrons sont libres de se mouvoir indépendamment de leur noyau. Donc on a affaire à une soupe de noyaux, donc du coup qui sont positifs, charge positive, électrique positive, et d'électrons charge négative. Et cet état de la matière représente, on dit parfois 95, 96, 98%, enfin un pourcentage très élevé, presque 100% de la matière dans l'univers est sous forme de plasma, en fait. Parce que la température est élevée, parce qu'il y a des mécanismes de ionisation, de création de plasma. Donc ça, déjà, c'est un premier point en astrophysique. La physique des plasmas est importante pour comprendre les objets astrophysiques. Et deuxièmement, les plasmas, on en a aussi... tous les jours, une vision quotidienne. Bon, maintenant, on utilise de moins en moins des lampes comme ça, mais le matin, quand on allumait la lumière dans la salle de bain et qu'on entendait un petit clic-clic-clic-clic, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était rien d'autre qu'une décharge électrique dans un gaz pour ioniser, créer un plasma, et ce plasma produisait la lumière. Dans les néons. Dans les néons, voilà. Ça s'appelait les néons à l'époque. C'est ça. Oh, ça existe encore. On en trouvait quelque part ici aussi dans la maison de la radio. Peut-être un mot sur les missions précédentes. Vous le disiez tout à l'heure, Alain Sacha Brun, Parker Solar Probe, on va en parler largement. Ça n'est pas la première mission, mais elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle va pouvoir s'approcher très près. On a fait de gros progrès technologiques. On va les citer, on va en parler tout à l'heure. Quelles sont les leçons, que nous ont appris les missions précédentes, notamment la mission Ulysse qui a tourné pendant quasiment un peu moins de 20 ans autour du Soleil. Enfin, on s'est approché quand même déjà relativement près du Soleil. Non, ce qu'a apporté Ulysse, c'était pas tellement d'être proche, c'est de sortir de ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan qui virtuel qui passe entre le Soleil et la Terre. Et c'était la première fois que, enfin en tout cas d'une façon un peu systématique, donc Ulysse nous a permis de faire trois passages au niveau des pôles, deux au pôle Nord et un au pôle Sud, si je ne me prends pas. Et ces passages ont permis. Mais de souvenir, l'orbite était plutôt au niveau de la position de Jupiter, si je me rappelle bien. Et donc, on avait fait un sondage assez lointain de ce qu'on appelle l'héliosphère, qui est ce cocon qui entoure notre étoile et qui est en fait tout le l'environnement, on va dire, plasma spatial qui baigne le système solaire. Et dont on va parler aussi, puisque c'est l'un des autres objectifs de cette mission Parker Solar Probe. Je parlais d'Ulysse, mais on peut parler de Solo, on peut parler du télescope spatial Iris. Il y a eu quand même un certain nombre de missions spatiales qui ont permis de lever quelques voiles, justement, sur ces mystères qui maintenaient, qui restaient autour du Soleil depuis l'observation terrestre. Tout à fait. On a fait pas mal d'observations déjà du Soleil et de la couronne, plus particulièrement. On reviendra peut-être sur un des fameux mystères, le fameux chauffage de la couronne, vous en avez parlé rapidement. Mais juste donc deux mots sur toutes ces missions précédentes. Qu'a-t-on fait avec ces missions? On a, comme le disait Jean-Claude Péquer, on a observé le Soleil dans différentes longueurs d'onde. On a observé des photons émis par le Soleil, par sa surface, par l'atmosphère basse, par l'atmosphère haute, la couronne. Et on a analysé ces photons pour essayer de comprendre des mécanismes physiques qui impliquent quand même des plasmas. Et on n'a jamais, jusqu'à présent, mesuré le plasma lui-même, le plasma coronal, proche du Soleil. On l'a mesuré loin, parce que le Soleil souffle du plasma, on y reviendra probablement. Mais on n'a jamais, avec ces missions-là, mesuré le plasma. Or, on sait bien que le problème du chauffage est un problème de physique des plasmas. Et si on veut résoudre un problème de physique des plasmas, il faut mesurer le plasma. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Bon, c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Un dernier mot tout de même sur cette mission qui s'est longtemps appelée Solar Probe Plus. Puis elle a changé de nom dans ces derniers mois pour s'appeler Parker Solar Probe, du nom d'Eugène Parker, qui est le premier à théoriser, Alan Sacha Brun, les vents solaires, qui est l'autre, donc on le disait, hein, l'héliosphère, les vents solaires, l'autre grand pan de cette mission Parker Solar Probe. Mais oui, parce qu'en fait, la pression à la surface du Soleil, elle est telle que quand elle est comparée à la pression du milieu interstellaire, qui est très pratiquement vide et absente, ça fait des grands sauts de pression, et on sait très bien que la nature n'aime pas les grosses différences de pression, sinon on ne pressuriserait pas les avions, par exemple, ce genre de choses. Et donc ce vent solaire, c'est-à-dire ce vent continu, ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est que le Soleil, en permanence, envoie une quantité de matière continue, qu'on appelle le vent solaire. Donc la planète Terre et toutes les planètes du système solaire baignent dans ce vent solaire. Et ce vent solaire, il a été effectivement postulé par Eugène Parker en 1958 dans un article qui au début a été refusé. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on regarde les équations de Parker, il y a cinq solutions. Il y en a deux qui sont physiquement pas acceptables. Il y en a trois qui le seraient possiblement. Et il y avait par exemple, parmi les solutions de Parker, donc sur ces cinq solutions, il en favorisait une qu'on appelle le vent supersonique. Et donc ça veut dire que le vent, en fait, commence lentement, les solutions transsoniques commencent lentement, puis s'accélèrent et deviennent supersoniques. Et ça, les pontes de l'époque ne l'acceptaient pas. À la rigueur, les plus audacieux, parce qu'il y avait une des solutions des équations de Parker qui était la brise solaire, où là, le vent, ce jet continu de matière que fait le Soleil, aurait pu être lent. Et ça, certains allaient jusqu'à accepter ça. Mais bien sûr, c'était pas la solution. Et ce papier n'avait pas été accepté. Et quand on rencontre Eugène Parker et qu'on en parle, il dit Eugène Parker qui est toujours en vie. Hein. Oui, qui est toujours en vie, qui était là lors du lancement et interrogé. Ce qui est très intéressant quand on parle avec Eugène Parker, c'est qu'il dit aux jeunes scientifiques, quand je lui pose la question, il dit surtout, ne vous laissez pas fermer vos idées originales quand vous arrivez dans une communauté et que vous avez des idées novatrices. C'est l'intérêt d'avoir des jeunes qui viennent dans la science, parce que qui voit les choses avec un regard nouveau. Ne prenez des rapports, parce que vous savez que dans le métier, on envoie des articles scientifiques et ils sont évalués. Quand les évaluateurs envoient des rapports qui sont constructifs avec des arguments de physique solides, acceptez-les. Quand c'est simplement des positions dogmatiques, refusez-les. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le jeune Parker, jeune professeur à l'Université de Chicago? Eh bien, il avait la chance que l'éditeur du grand journal, The Astrophysical Journal américain, qui s'appelait Chandrasekhar, qui est prix Nobel, est venu dans son bureau parce qu'il était dans le même couloir, et il a dit, alors Parker, t'y crois ou pas ton article, j'en fais quoi? Et Parker lui a dit, je n'ai vu aucune critique qui était valable et qui me faisait croire que ce que je disais n'était pas correct. Et Chandrasekhar lui a répondu, j'ai le même opinion, j'accepte donc ton article. Et je trouve que c'est une démonstration, maintenant qu'on voit 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, qu'il y a une sonde qui part avec son nom, à quel point il faut croire en ses idées quand elles sont basées sur de la vraie physique et des vrais concepts. Voilà. Un magnifique message à envoyer à nos jeunes auditeurs. On sait qu'on est écouté par beaucoup d'étudiants scientifiques. Donc vous entendez la leçon d'Alan Sachabrin sur le modèle de Jeanne Parker. Quand vous êtes des innovatrices, accrochez-vous. D'autant qu'il n'aura pas fallu attendre très très longtemps à Jeanne Parker, puisque 4 ans après, elle a la sonde Mariner 2 qui, pour la première fois, va enregistrer des particules dans l'espace interplanétaire. Oui, et puis aussi, je veux dire, il y avait Kolling, il y avait Biermann, il y avait d'autres grands scientifiques. Il y avait des observations de queues cométaires qui étaient, on voyait 2 queues dans les comètes, une ionique et une particule, et donc des échappements. Et donc, on commençait à se dire qu'il y avait quelque chose quand même. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons tout au long de cette heure de la sonde Parker Solar Probe qui est partie, qui a été envoyée dans l'espace le 12 août dernier pour aller étudier de très près le Soleil. Nous en parlons avec Milan Maximovic et Sacha Brun. Alors avant de décoller justement pour aller rejoindre cette sonde et parler un peu de son état et de son instrumentation, j'aimerais qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire, ou en tout cas qu'on mette au point un peu une sorte de carte d'identité de notre Soleil pour comprendre ensuite, justement, quels sont les deux volets d'exploration et les deux missions de Parker Solar Probe, à savoir l'étude de la couronne et l'étude des vents solaires. Alors, qui veut s'y coller, Alan Sachabrin? Comment est-ce qu'on peut le définir, ce Soleil? Quelles sont ses caractéristiques particulières? Alors, je laisserai Milan parler de la couronne et du vent. On va faire, disons, l'intérieur du Soleil pour commencer. Donc, le Soleil, c'est une grosse boule de gaz qui fait 300 000 fois la masse de la Terre, qui a un rayon de 700 000 km et qui a donc une température au centre qui fait à peu près 15-16 millions de degrés, avec une densité qui est 150 fois celle de l'eau, et à la surface on tombe à 6000 degrés avec une densité qui est 1 millionième voire 10 millionième de celle de l'eau. Donc on voit qu'il y a une énorme stratification du plasma sous l'impact de la gravité. Le Soleil, les gens ne le savent pas souvent, tourne sur lui-même en 28 jours. Alors ça, c'est vrai de la zone interne qu'on appelle la zone radiative. Il y a donc deux zones principales dans le Soleil. Une zone où l'énergie générée par les réactions nucléaires de brûlage de l'hydrogène est propagée par la lumière, par la chaleur transportée par les photons. Et puis à un moment, l'opacité, d'ailleurs la transparence de ce plasma dont on parle depuis le début, commence à bloquer les photons. Et ces photons, du coup, s'accumulent. Et là, il y a des mouvements de convection macroscopique, c'est-à-dire des mouvements de matière qui vont transporter la chaleur. Donc il y a deux grandes zones, une zone radiative, une zone convective. On arrive à la surface et le Soleil étant un énorme électroaimant, parce qu'il est conducteur, il est fait de plasma, comme l'a dit Milan, il y a des électrons qui circulent, il y a des courants électriques qui sont générés, et ces courants électriques sont alternatifs, ils ont le bon goût de changer à peu près en moyenne, tous les 11 ans, c'est pas très régulier, c'est pour ça que c'est difficile à prévoir, mais il a donc un cycle de 11 ans. Et toute l'activité solaire, et toute l'activité de son vent, de ses éruptions, et de ses propriétés, sont dépendantes de ce cycle solaire et de la génération de cette énergie magnétique par le processus qu'on appelle dynamo. Milan Maximovic, suite de cette carte d'identité solaire. Donc Sacha nous a amené à la surface du Soleil, environ 6000 degrés. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a une atmosphère, donc la fameuse couronne qu'on voit pendant les éclipses, qu'on peut observer avec un coronographe qui a été inventé par Bernard Liot, on l'a entendu. Et donc cette couronne, en fait, si on peut en mesurer la température par spectroscopie, c'est-à-dire en analysant les photons qui sont émis par cette couronne à différentes altitudes, on peut tracer une courbe température en fonction de la distance ou de l'altitude au Soleil. Et au départ, les choses se passent bien. On s'éloigne du Soleil, la température décroît. C'est comme quand vous prenez l'avion pour aller à New York dans l'atmosphère. Si vous lisez la température au fur et à mesure de l'altitude, la température décroît. Et puis à un moment donné, aux alentours de 2000 km, patatras, sur une épaisseur très fine, la température passe de, grosso modo, 6000, un peu moins, 6000 et quelques, parce qu'il y a une petite, il y a aussi la chromosphère, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Patatras, la température monte à 1, 2, 3 millions de Kelvin. On a une couronne qui est beaucoup plus chaude que la surface. Et plus on s'éloigne, plus la température augmente. C'est comme si vous êtes dans une pièce, il y a un feu de cheminée, vous vous éloignez du feu, et bien la température augmente autour de vous. On ne sait toujours pas quel est le mécanisme. On ne comprend pas toujours pas le mécanisme, mais quel est le mécanisme, il y en a plusieurs, qui chauffe cette couronne, crée une couronne chaude. Et donc cette couronne est tellement chaude que la pression, comme disait Sacha, est très forte, beaucoup plus forte qu'à l'infini. Et du coup, ce vent solaire n'est pas, c'est comme un couvercle, une cocotte qu'on n'arrive pas à fermer. Le couvercle n'est pas assez puissant. Ce vent solaire s'évapore dans toutes les directions. Enfin, cette couronne s'évapore. C'est la couronne qui s'évapore dans toutes les directions. Donc, un plasma qui est essentiellement de l'hydrogène ionisé, donc des protons et des électrons. C'est l'élément le plus simple dans l'univers. Et on a un flot continu de particules dont la vitesse moyenne oscille entre 300 et 800 km par seconde. Ça aussi, on y reviendra parce que c'est aussi une question. C'est-à-dire qu'il y a deux vitesses, une espèce de... Il y a plusieurs vitesses. Mais en gros, donc, ce vent solaire s'échappe dans toutes les directions. Et ce qu'a fait Parker, effectivement, il a été le premier à prédire les profils de vitesse et le fameux profil supersonique qui disait, la théorie de Parker disait, le vent doit atteindre des vitesses supersoniques, c'est-à-dire qu'il doit se mouvoir en moyenne à une vitesse plus grande que l'équivalent de la vitesse du son dans le milieu. Et donc, c'est effectivement avec les sondes Mariner qu'on a pu mesurer, une fois qu'on s'est éloigné suffisamment de la Terre, qu'on a pu mesurer dans les années 60, le caractère supersonique du vent solaire. Et là, ça a été la gloire pour Parker à l'époque, et ça allait rester. Alors, on va revenir sur les vents solaires. J'aimerais qu'on reste un peu sur cette couronne. Vous l'avez dit, elle est composée essentiellement d'hydrogène, d'un plasma d'hydrogène donc ionisé. Qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on sait un peu ce qui se passe justement entre la chromosphère et la couronne, ou est-ce que c'est vraiment une découverte totale qu'on attend de Parker Solar Probe? Est-ce qu'on comprend un peu la mécanique justement de la physique des plasmas qui se déroule entre ces deux zones, Milan Maximovic? Oui, alors on connaît pas mal la chromosphère, effectivement. La chromosphère est observée par spectroscopie. C'est une région qui est assez lumineuse comparée à la couronne. Donc c'est une région qui est plus simple d'accès depuis le sol ou l'espace. La chromosphère, est-ce qu'on peut dire en grosso modo, alors je parle sous votre contrôle, que c'est la surface visible du Soleil en fait? Enfin, c'est ce qu'on peut observer. C'est entre la surface visible et les fameux 2000 km. C'est ça. C'est la photosphère qu'on peut voir, la chromosphère. La chromosphère, comme son nom l'indique, c'est la sphère dont sont émis les raies, les principales raies qu'on a dans la couronne. Donc, ils sont des raies qui sont dues, alors pas seulement à l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant. Donc, il y a des raies de l'hydrogène, par exemple, les raies Lyman alpha ou autres de l'hydrogène sont créées parce qu'il y a ionisation de l'hydrogène. Mais il y a aussi de l'hélium qui peut être ionisé. Alors, c'est un élément qui peut être ionisé une fois ou deux fois. Mais il y a également, sous forme de traces, alors 95% d'hydrogène, en gros, dans la couronne, 5% de l'hélium, entre 3, 4, 5%. Et puis, il y a des traces d'éléments plus lourds, oxygène, carbone, et qui sont en fait les traces de la nucléosynthèse, qui sont jusqu'au fer. Qui sont les traces en fait de la composition du nuage primordial qui a donné naissance au Soleil, mais qui sont maintenues dans la couronne et qui sont visibles par spectroscopie. Donc l'essentiel des raies à des couleurs différentes viennent de cette chromosphère principalement. Et en fait, quand on observe le Soleil, je vous conseille d'aller voir sur le site de l'Observatoire de Meudon, il y a un joli tutoriel, si on peut employer ce mot, qui montre que en observant à différentes longueurs d'onde, en fait, on observe différentes altitudes dans la couronne. Et chaque raie correspond à une altitude particulière, et on peut comme ça donner une carte d'identité du Soleil en observant à différentes longueurs d'onde. Donc ça, c'est pour ce qui se passe donc entre la chromosphère et la couronne. L'autre question, c'est celle effectivement des vents solaires. Donc on l'a dit, ces vents solaires qui sont permanents, qui se répandent dans tout le système solaire jusqu'à ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle l'héliosphère. Quelle est la particularité de ces vents solaires, Alain Sachabrin? Oui, alors le Soleil a donc un champ magnétique. Ce champ magnétique n'est pas régulier. Il est dépendant du temps. Et il est parfois très complexe et parfois très simple. Alors très simple, c'est ce qu'on appelle un peu, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le dipôle. Et pour que les auditeurs l'imaginent, on peut penser à deux oreilles de Mickey, quoi, de deux grandes oreilles qui viendraient, ou ceux qui ont fait des expériences de physique avec un barreau d'aimant, mettre de la limaille de fer. On voit bien ces structures un peu en grandes oreilles. Structure de champ magnétique. Voilà. Ça, c'est la structure simple, c'est le dipôle. En fait, le Soleil est bien plus complexe qu'un dipôle et ça varie au cours du cycle de 11 ans. Donc du coup, on s'est rendu compte, la généralisation de la théorie de Parker est venue plus tard et elle a commencé à prendre en compte parce que dans le cas de Parker, il n'y avait pas le champ magnétique encore. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, le champ magnétique influençait la structuration du vent. Et donc, du coup, il y a des il y a des parties où le champ magnétique du Soleil est ouvert, on appelle ça des trous coronaux, et il y a des endroits où le champ magnétique est fermé, on voit les boucles magnétiques, comme on a déjà vu des images, pour ceux qui ont vu des images du Soleil, des boucles magnétiques. On vous a mis l'image et les schémas, justement, il y a quelques minutes, du cycle du Soleil et de ces différents champs magnétiques extrêmement complexes, hein, sur le fil Twitter de l'émission avec la méthode FC. Voilà. Voilà. Et donc, quand on est, selon si on est en maximum ou en minimum d'activité, donc là, le dernier maximum, c'était en avril 2014, là, on est en train d'arriver vers le minimum du cycle actuel, qui est le cycle 24, et on se prépare à aller au cycle 25. Et donc, la structure du champ magnétique du Soleil varie tellement que du coup, le vent varie en conséquence. Et donc, on a remarqué qu'il y avait principalement deux composantes de vent, une rapide, une lente, mais Milan reviendra dessus. La lente, elle est aux alentours de 400, 300, 400 km par seconde, et la... Donc ça veut dire Paris-Lyon, bien plus rapide que le TGV, hein, en une seconde, hein, pour donner une idée, pas trop, pas deux heures. Hein. Et donc, d'un autre côté, il y a la partie rapide, le vent qui peut atteindre 800 km par seconde. Et donc, en moyenne, pour fixer un peu les idées pour les auditeurs, le vent solaire met entre 2,5 et 4 jours et demi pour venir sur Terre. Hein, donc ça va vite, hein, il y a 150 millions de kilomètres à parcourir. Et donc ces deux composantes de vent, aujourd'hui, on a un peu du mal à les expliquer. On pense que le vent rapide vient des trous coronaux. Le vent lent, c'est un peu plus difficile à expliquer. Et je préfère laisser la parole à Milan pour compléter. Milan Maximovic, peut-être réexpliquer la spécificité de ces trous coronaux, hein, qui vont être aussi l'un des objets de l'étude de Parker Solar Probe. Donc effectivement, les trous coronaux, comme le disait Sacha, c'est en fait ils ont été découverts quand on a, je pense à l'époque de Skylab, quand on a observé les premières images X en rayons X du Soleil, on a vu deux zones brillantes en période de minimum d'activité. Donc on a toute la région équatoriale, donc tout autour de l'équateur du Soleil, tout un tas de boucles magnétiques et une activité assez forte et c'est ce qu'on appelle la couronne. En anglais, quiet solar wind. Tranquille, calme. Mais finalement, c'est pas si tranquille que ça. parce que c'est très fluctuant. Et là, cette couronne tranquille, donc, émet, et s'évapore, donc, sous forme de vent lent, comme le disait Sacha. Et on a remarqué, au pôle, en période de minimum d'activité, mais en maximum, ça change. Il peut y avoir des trous coronaux qui migrent des pôles et qui descendent vers les zones équatoriales. Mais en période de minimum d'activité, donc on a des trous, des espèces de calottes noires qui apparaissent noires sur les images en rayons X. Donc c'est un plasma qui est plus froid, moins dense que le plasma plus chaud et plus dense des régions équatoriales. Et il y a un paradoxe que on espère Parker Solar Probe va résoudre, c'est que ce plasma plus chaud et plus dense produit un vent qui est plus lent que le plasma plus froid et moins dense. Et ça, c'est un paradoxe qui existe depuis Parker, enfin depuis les solutions de Parker, que les équations de Parker n'expliquent pas. Les équations de Parker n'expliquent pas tout. Dans les équations de Parker, on a effectivement un vent dont la vitesse, quand on s'éloigne, augmente. Et en gros, pour faire simple, plus c'est chaud à la base, plus ça va vite loin. Donc on aurait tendance à penser que le vent rapide qui est à 800 km par seconde quand il est observé à l'orbite de la Terre viendrait des régions plus chaudes. Eh bien non, c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse. Donc ça, c'est un paradoxe qu'on ne comprend pas, par exemple. Et ce qu'on espère, c'est que, bien évidemment, Parker Solar Probe va descendre jusqu'à une dizaine de rayons solaires de la surface et va y faire des mesures, à la fois dans du vent lent, essentiellement c'est ce vent-là qu'on verra aux zones équatoriales, mais on verra également du vent rapide quand il y aura donc des trous coronaux qui seront en migration au moment des changements de pôle. Il y aura du vent rapide qui sera observé probablement par Parker Solar Probe à ces distances-là. Et on espère pouvoir justement mesurer le plasma et surtout mesurer Parce que derrière, il y a le Soleil, mais il y a un problème de, quand même de physique fondamentale, de physique des plasmas, qui est comment convertir de l'énergie sous forme thermique, donc la vitesse thermique d'agitation des particules, comment convertir ça en énergie cinétique d'accélération dans laquelle il y a une vitesse moyenne. Donc il y a des problèmes de physique des plasmas très intéressants, je dirais, en, probablement en astrophysique pour l'avenir. Puis se pose aussi la question de l'accélération, c'est-à-dire comment est-ce que ces vents, d'un seul coup, gagnent cette énergie cinétique et passent à des vitesses supersoniques. Ben voilà, c'est ça. C'est ça le On peut faire aussi un peu l'analogie avec ce qu'on appelle dans les équations de... Alors là, si on va regarder un peu dans le détail, les équations de Parker, c'est un peu les équations de la tuyère de Laval. Alors ça, c'est un ingénieur physicien français. En fait, quand on regarde comment fonctionne une tuyère de fusée, eh bien, les gaz sont émis à la base. Et puis, on sait tous que les tuyères s'évasent. Mmh. Et il y a une forme de tuyère qui est bien particulière, ce qui fait que le flux, la quantité de le flux est constant, mais la surface, enfin le nombre de particules est constant, mais la surface diminue. Du coup, si on veut conserver le flux, comme la surface augmente. La surface augmente. Et donc, du coup, la vitesse augmente pour maintenir le flux si la surface augmente. Eh bien, c'est un peu les mêmes équations, les mêmes solutions. Vous accélérez depuis une vitesse faible au départ à des vitesses supersoniques à la fin en sortie de la tuyère, parce que justement, vous avez une surface de ce sens-là. Et dans le cas du vent solaire, c'est la même chose. Quand on est bas dans la couronne, tout de suite après la région de transition, les fameux 2000 km, à un moment donné, donc, on ne sait pas exactement quelle est la vitesse. On a des mesures de vitesse, mais qui sont incomplètes et surtout avec des incertitudes importantes. On est grosso modo entre 20 et 50 km par seconde et on passe rapidement pour arriver à 400 par une région, qui est la région, le point sonique de Parker, où justement la vitesse d'accélération est égale à la vitesse du son. Et en même temps, la température décroît. Donc il y a un transfert permanent d'énergie thermique, température, à... De vitesse. L'énergie cinétique. Énergie cinétique, vitesse. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que quand on fait de la physique de base, normalement, un gaz en expansion a tendance à baisser en température. Mm-hmm. Et ce qu'on voit, c'est que le vent solaire est en expansion. Donc, la surface, on imagine bien, plus on s'éloigne du soleil, plus la sphère qu'il faut pour englober tout le système grandit. Donc, la surface grandit. Donc, on s'attendrait à ce que ce vent, ce gaz en expansion du vent solaire refroidisse. Et ce qu'on observe, c'est qu'il ne refroidit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des processus de chauffage au long cours qui viennent tout le long de ce processus d'accélération venir déposer de l'énergie pour maintenir cette accélération. Et c'est ça qui est difficile à expliquer. Et une question d'un auditeur, je pense à laquelle on a déjà partiellement répondu, mais peut-être que c'est important de le préciser. De quoi sont composés ces vents solaires, en fait, exactement des mêmes particules ionisées que celles qu'on trouve dans la couronne, ou est-ce qu'ils changent? C'est la même composition que le Soleil, comme disait Milan, principalement de l'hydrogène, de l'hélium. D'ailleurs, le hélium, c'est un nom parce que c'est un élément qui a été découvert sur le Soleil, ça veut dire hélios, et donc Soleil. Hein. Donc l'hélium, c'est vraiment le Soleil, il est pour beaucoup pour qu'il existe. Et pour son nom. Après, il faut savoir que les astrophysiciens appellent métaux, les éléments lourds ou les métaux, tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium. Donc lithium, beryllium, bore, et on va jusqu'au fer et au-delà. Il y a de tout dans le Soleil. Hein. Il y a de l'or dans le Soleil, il y a du plomb dans le Soleil. Il faut savoir qu'il y a tous les éléments naturels, chimiques, les 92 de la table de classification périodique. Mais ils sont à l'état de trace, donc à peu près en nombre 0,2% en nombre ou quelque chose comme ça. Très peu. Et on va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée précisément au mécanisme de la nucléosynthèse, où on vous explique ça en long, en large et en travers pendant une heure entière. Une dernière question, le lien entre ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire à la fois l'augmentation de chaleur de la couronne et l'augmentation de la vitesse des vents solaires, est-ce que tout ça a un lien avec les éruptions solaires qui sont tant redoutées, dont on sait qu'un jour elles peuvent mettre tous nos satellites et tous nos avions au sol si jamais elles arrivent jusqu'à nous, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs par ailleurs dans l'histoire de la Terre, Milan Maksimovic? Alors, sur les mécanismes précis donc de conversion énergie thermique, énergie cinétique, accélération du vent, chauffage, probablement pas, encore que c'est à la fin, c'est de la physique des plasmas, de la MHD. Par contre, il y a un lien direct qui est entre qu'on connaît depuis très longtemps, entre les éruptions solaires et puis les bourrasques de vent. Alors, on a parlé depuis tout à l'heure de vent lent, vent rapide. grosso modo 400 km par seconde et puis 700, 800 km par seconde. Il y a également des bourrasques de vent solaire qu'on peut observer si on va sur le site soit de l'ESA, soit de la NASA en regardant les magnifiques films de la sonde SOHO, LASCO. On voit donc des éruptions, on voit des bourrasques de vent qui sont des éjections de masse coronale, qui sont des phénomènes très violents éruptifs, donc liés à une éruption, dans lesquels quasiment la totalité de la couronne se vide en quelques dizaines de minutes. Et toute la matière donc s'échappe. Et là, on a des éruptions et des bourrasques, des éjections de masse coronale qui peuvent atteindre jusqu'à 2000, 2500 km par seconde. Et là, donc tout à l'heure, on disait 400 km par seconde, 4 jours. 2000 km par seconde, c'est une fraction de journée. Donc très rapidement, cette éjection de masse coronale dense qui transporte plus de matière que le vent ambiant peut rencontrer la Terre et son champ magnétique et créer les fameuses perturbations géomagnétiques dont on a parlé, dont vous avez peut-être entendu parler à une émission précédente. Et on sait, maintenant c'est établi, que les éruptions solaires qui produisent des particules énergétiques, qui produisent de la lumière blanche et surtout en UV, une intensification de la lumière UV dans la couronne, ces éruptions sont liées aux éjections de masse coronale, ou inversement plutôt, les éjections de masse coronale sont liées aux éruptions. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around. I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss? 'Cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss? 'Cause there's a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine. I give my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if the sleet is snow, a drive-in's cozy when the lights are low. And I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down. I don't notice when she's around, oh boy. What a baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I meet my baby. So when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me holler more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby. Elvis Presley sur France Culture à 16h37. I don't care if the sun don't shine. Je m'en moque si le soleil ne brille pas. Nous, on s'en moque moins, parce qu'au bout de 8 minutes, on serait dans le noir. Et puis, ce serait la fin de notre civilisation, de la vie sur Terre, enfin d'un certain nombre de choses. Bref, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Parker Solar Probe, de la sonde qui a été envoyée dans l'espace pour une mission solaire le 12 août dernier. Nous en parlons avec Milan Maximovic, qui est directeur de recherche CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Et Alan Sachabrin, qui est astrophysicien, directeur de recherche au CEA, chef du laboratoire dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff, 30 minutes after the hour. Et la voilà donc, cette fameuse sonde dans son lanceur Delta 4 Heavy. C'était le 12 août dernier depuis Cap Canaveral en Floride. Alors on le disait tout à l'heure, Parker Solar Probe doit être en ce moment quelque part entre la Terre et Vénus. Elle va arriver assez vite à destination. D'ailleurs, peut-être avant de faire le calendrier, on a parlé tout à l'heure de ses deux principaux objectifs, mais on n'a pas encore parlé de la prouesse technique qui consiste à faire approcher comme aucune sonde auparavant des instruments de mesure si près du Soleil, dans les conditions dont on a compris qu'elles étaient relativement complexes. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nico Corico, il y a un instrument français sur les quatre embarqués par PSP. Oui, il s'agit d'un magnétomètre qui va mesurer les ondes magnétiques émises par le Soleil. Thierry Dudoc-Devitt est chercheur CNRS au sein du laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, le LPC2E, à l'Université d'Orléans. Quant à Guillaume Janet, il est ingénieur de recherche CNRS également au LPC2E et il est le responsable de l'ingénierie de cet outil. Je les ai rencontrés la semaine dernière dans les locaux du CNRS de l'Université d'Orléans et plus précisément dans le garage, entre guillemets, qui a vu naître le magnétomètre qui vole en direction du Soleil à bord de Parker Solar Probe. Thierry Dudoc-Devitt, que vous entendrez au début du reportage, nous explique pourquoi la mesure des ondes magnétiques du Soleil sera cruciale pour la mission. Il est ensuite rejoint par Guillaume Janet qui nous raconte les défis techniques auxquels on se heurte quand on veut s'approcher du Soleil. On apprend, entre autres, avec nos deux intervenants, qu'il faut protéger le magnétomètre flirtant avec le Soleil, non pas du chaud, mais du froid. Alors c'est un capteur magnétique qui va mesurer les fluctuations du champ magnétique. Il y aura plusieurs types de capteurs magnétiques à bord du satellite. Certains vont mesurer les très basses fréquences. Celui-ci va mesurer les fréquences intermédiaires, tout ce qui est de l'ordre des fluctuations. Et ces fluctuations sont particulièrement intéressantes parce que Parker Solar Probe, c'est avant tout une mission qui va chercher à comprendre les mécanismes de chauffage de l'environnement solaire, de la couronne solaire. Et parmi ces mécanismes figurent des ondes qui se propagent et qui dit ondes, dit fluctuations du champ magnétique. Et donc là, vraiment, on touche au cœur des objectifs de la mission. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cet outil et où est-ce qu'il sera disposé géographiquement sur la sonde ? Alors, le capteur, comme il va mesurer des ondes, il est très sensible aux parasites que va pouvoir générer le satellite. On parle là de compatibilité électromagnétique. Donc du coup, il se retrouve déporté du satellite. Il y a un bras déployable qui a déjà d'ailleurs été déployé dès les premiers jours de la mission. Et le capteur SCM se trouve à l'extrémité de ce bras, à l'arrière du satellite, donc le plus loin possible de la plateforme. Et à quoi il ressemble du coup ce capteur ? Est-ce que vous pourriez me le décrire ? Là, on a un prototype devant les yeux qui est un de ses cousins qui a été développé ici. Alors en fait, le capteur, il est composé de trois éléments majoritairement. Donc on a d'abord trois antennes magnétiques. En fait, chacune des antennes va mesurer une composante du vecteur champ magnétique. Donc on en a trois pour X, Y et Z. Associé à chaque antenne, on a une électronique d'amplification qui permet de transformer le signal pour l'amener à un niveau suffisant pour pouvoir être numérisé après. Et autour de ça, en fait, on a une structure mécanique donc qui va assembler les trois antennes de façon orthogonale, tenir évidemment le préampli et assurer la fixation sur le bras, au bout du bras du satellite. Alors, qui dit bras dit éloignement du satellite. La plupart des instruments se trouvent à l'intérieur ou à la surface du satellite où ils sont relativement protégés par l'inertie thermique. Et du coup, quand on se trouve à l'extrémité du bras, effectivement, le problème majeur, c'est le froid. Mmh. Et donc, voilà, si on ne fait rien du tout, la température peut chuter jusqu'à moins 150 degrés. Et donc, il faut le chauffer, l'isoler, le protéger. C'est un peu paradoxal, on est à côté du soleil, et au lieu de le refroidir, mais il faut le chauffer. À partir de quand est-ce qu'on pourra avoir des premières mesures avec cet outil ? Alors les premières mesures, nous les avons eues dès le deuxième jour après le lancement, mais c'était très parcellaire, c'était ce qu'on appelle la recette en vol, c'est-à-dire qu'on teste tous les instruments, on les enclenche, on les déclenche. Le premier passage au soleil va se faire le 2-3 novembre, et il faudra attendre décembre, voire juin 2019, pour avoir vraiment les premières données scientifiques haute résolution qui nous permettront de faire la science. Et c'est une question un petit peu plus personnelle, mais quand on a mis au point un tel outil pendant autant d'années et qu'il voyage doucement vers le soleil, comment on se sent ? Une certaine appréhension, effectivement on tremble un peu parce qu'on connaît les risques, on voit tous les problèmes, tout ce qui ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on se réjouit énormément de voir les premières données arriver et on sera très satisfait si elles sont bonnes. Et vous, comment vous vous sentez alors que vous, c'est vraiment votre bébé, en plus vous avez travaillé dessus pendant toutes ces années? Oui, en effet. Donc, il y a eu un peu. Enfin, on est toujours anxieux en attente des premières données. Mais bon, il y a, comme ça passe par plusieurs étapes, il y a déjà eu le lancement et on sait déjà que l'instrument a priori survécu au lancement. Donc, c'est déjà une étape critique. Donc, on est un peu rassuré. Mais effectivement, on ne le sera pas complètement tant qu'on n'aura pas vu les premiers jeux de données. Effectivement, c'est une mission qui fait rêver. Chaque fois que j'en parle à des personnes, on voit les regards. C'est une mission qui fait rêver parce que d'abord, c'est un énorme défi de s'approcher d'une étoile, de pénétrer littéralement dans l'environnement d'une étoile. C'est du jamais vu. Voilà. On en rêve depuis longtemps. C'est un peu le rêve d'Icar aussi. Et c'est aussi une mission qui fait rêver parce que ça fait plus de 50 ans qu'elle est dans les tuyaux. Donc, ça fait plus de 50 ans que les gens ont développé projet sur projet. Et il a fallu attendre tout ce temps-là pour que la technologie le permette. Évidemment, on souhaiterait s'approcher davantage du Soleil et on réfléchit déjà à l'après Solar Probe. Alors, il y a une première mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Solar Orbiter qui va s'approcher un peu du Soleil, mais de loin pas aussi près que Solar Probe. Et à plus long terme, quand je dis à plus long terme, c'est une génération plus loin, il y a un projet qui s'appelle Icarus qui va s'approcher 10 fois plus dans des conditions qui seront absolument dantesques. Et c'est un énorme défi technologique, donc on ne sait pas encore si ce sera possible. Voilà ce magnétomètre qui a été concocté en partie dans ces laboratoires d'Orléans, mais dont vous êtes aussi un peu l'un des nombreux papas, Milan Maximovitch. Vous avez travaillé sur ce projet-là aussi? Oui, effectivement, je suis ce qu'on appelle lead quiet de l'instrument Fields, dont fait partie ce magnétomètre. J'ai également soutenu très fort cet instrument auprès du CNES. Quand on est scientifique, il ne suffit pas d'avoir des idées, surtout dans le domaine du spatial. Il faut essayer de convaincre les agences spatiales de faire les idées que l'on défend. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a un travail de lobbying. On peut utiliser ce terme sans que ce soit péjoratif. C'est du lobbying dans le sens noble du terme, où on essaye de défendre ses idées et de défendre ses projets. Donc, j'ai beaucoup, effectivement, défendu ce projet au sein du CNES, l'Agence spatiale française, et on est très content qu'il fonctionne aussi bien. Alors, un petit mot sur le déroulé de cette mission PSP. On a entendu à l'instant des premiers relevés. Bon, il faut peut-être préciser d'abord un peu le calendrier. C'est-à-dire que là, la sonde va utiliser l'attraction gravitationnelle de Vénus pour se rapprocher du Soleil, Alain de Sachabrin. Oui, aujourd'hui, ce qu'on appelle le plan nominal, c'est 24 orbites et 7 rencontres avec Vénus, pour pouvoir se rapprocher de plus en plus proche du Soleil. Il faut voir qu'il y aura donc une orbite très excentrique, puisque le Soleil va se rapprocher jusqu'à peu près 10 rayons solaires, 9-10 rayons solaires, et on pourra y revenir, parce que c'est une valeur assez importante pour le Soleil, parce que c'est proche de la surface d'Alven, et puis revenir pratiquement à l'orbite de Vénus, donc qui est, elle, plus proche d'être aux alentours de 150 rayons solaires. Donc on voit qu'il y a une amplitude de l'orbite qui est très forte, et donc du coup, pendant ces 24 orbites, elle va rencontrer que cette fois Vénus pour se rapprocher. Donc c'est déjà intéressant, ça. Milan Maximovitch, quand on dit que Parker Solar Probe va frôler le Soleil, donc Alain Sachabrin disait c'est ça, c'est entre 6 et 10 rayons solaires, c'est-à-dire à peu près 6 millions de kilomètres de la surface. Oui, tout à fait. Au plus proche, et ça sera pour 2024, c'est ça. Voilà, 2024, au plus proche, on devrait atteindre 9,8, pour être précis, en principe, suivant les projections, suivant l'extrapolation des trajectoires. Ça va dépendre beaucoup du passage par Vénus. 9,8 rayons solaires du centre, donc 8,8 de la photosphère. Et ça, c'est une région qui est effectivement très importante. On est quand même assez loin des 2000 km, la fameuse région de transition. Donc c'est à partir de 2000 km déjà que la couronne est chaude. Là, on sera bien plus haut. Mais néanmoins, on est dans une région qui est importante, qui est, Sacha a nommé un autre physicien illustre, Alven, dont j'ai oublié le prénom, qui était un physicien déplacement, un physicien suédois qui a eu le prix Nobel justement pour la découverte des ondes d'Alven. et qui a beaucoup travaillé sur notamment aussi sur des mécanismes de chauffage. Hannes Alfvén, c'est le violoniste. Oui, j'étais un peu rapide sur le dégainage du prénom. C'est Hannes Alfvén. Tout à fait. Donc Hannes Alfvén qui a donné son nom en fait aussi à une quantité importante dans la physique des plasmas qu'on appelle la vitesse d'Alfvén et qui a découvert les ondes d'Alfvén, qui sont donc des ondes particulières qui se propagent, qui mettent en jeu donc le champ magnétique et les fluctuations du champ magnétique et de la vitesse du plasma. Donc ce sont des ondes qui sont particulières que l'on va, on espère pouvoir mesurer justement avec ce fameux magnétomètre dont Thierry Dudoc de Vite a parlé. Et donc ces ondes d'Alfvén, pourquoi sont-elles importantes? Elles sont importantes parce que c'est un des mécanismes possibles du chauffage. Pour expliquer aux auditeurs, le problème du chauffage, c'est pas qu'on ne sait pas quel est le mécanisme. À la limite, on a un problème de Riche, c'est qu'on a beaucoup trop de mécanismes possibles. On a trop d'interprétations possibles, beaucoup trop de mécanismes possibles. Et en fait, la sonde devrait nous aider à choisir quel est le bon mécanisme. Un de ces mécanismes fait intervenir les ondes d'Alfvén, fait intervenir une grandeur fondamentale qui est la vitesse d'Alfvén. Et cette vitesse d'Alfvén, contrairement, qui est proportionnelle au champ magnétique et puis également inversement proportionnelle à la densité du milieu, cette vitesse d'Alfvén, contrairement à la vitesse d'écoulement, est très grande à la surface et beaucoup plus petite loin du Soleil. Donc la vitesse du vent solaire passe par un régime qui est subsonique, supersonique. La vitesse d'Alfvén, c'est l'inverse. On passe d'une vitesse, on a une vitesse, le vent solaire est subalvénique, et ensuite il devient superalvénique, il se balade à des vitesses plus grandes que là. Et donc il y a une région qui est le point d'Alfvén, où la vitesse d'Alfvén devrait être égale à la vitesse grosso modo du vent à la vitesse d'Alfvén. D'écoulement, ou le vent à la vitesse d'Alfvén, qui est importante pour justement calibrer les modèles et comprendre un peu. Essayer de choisir parmi la multitude de modèles qu'on a à notre disposition, quel est celui qui marche le mieux pour expliquer ce chauffage. Oui, parce que souvent, quand je présente ça, et comme dit très bien Milan, c'est presque plus un problème de refroidissement de la couronne maintenant qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de personnes qui ont passé du temps à essayer d'expliquer le chauffage, que si on commence, il faut à peu près, je crois, c'est 100 watts par mètre carré ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça, oui, le chiffre. C'est pas énorme. Oui. Et en fait, finalement, quand on commence à prendre en compte tous les processus physiques qui ont été proposés par tous les astrophysiciens qui s'intéressent à ce problème, on a presque trop de chaleur déposée. Donc parfois je dis avec ironie, c'est plus un problème de refroidissement de la couronne. Mais oui, c'est bien ça qu'on explique, c'est que la couronne et le vent, c'est en fait le vent, c'est le prolongement de la couronne vers les distances lointaines du Soleil, et ce chauffage, cette température, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la turbulence? Est-ce que c'est les ondes? Est-ce que c'est d'autres processus physiques? Il y a aussi la conduction électronique, il y a plein. Et donc cette région de transition où on passe de quelques milliers de degrés à d'un coup des millions, et ben c'est plein de processus physiques d'un point de vue de la turbulence magnétique plasma, mais aussi des processus microscopiques de transfert de chaleur. Et donc tout ça, il faut faire le bilan énergétique, et la sonde Parker va nous permettre, entre autres, de faire ce bilan énergétique et possiblement de positionner la transition de cette fameuse surface d'Alfvén. Il faut l'imaginer, c'est pas une sphère, elle est très alambiquée selon la structure du champ magnétique, selon le cycle magnétique, la phase du cycle où on est dans les 11 ans, donc parfois très simple quand c'est au minimum et parfois très complexe quand c'est au maximum. Et si avec la sonde Parker on arrive à vraiment franchir cette limite, on va être capable de calibrer et de mieux positionner nos modèles, et donc tout ça, ça va nous permettre de progresser. Alors évidemment, toute mission, toute aventure spatiale est intrinsèquement un défi technique, c'est très risqué, mais cette sonde Parker Solar Probe, elle va s'approcher donc à 9,8, disons 10 rayons solaires, c'est très près, les conditions sont extrêmes. Est-ce qu'il y a une tension particulière compte tenu justement de ces conditions-là pour vous, Milan Maximovic, mais aussi pour vous, Alain-Sacha Chabrin? Elle a été évidemment testée, retestée, surtestée, mais on n'aura jamais mis un engin de construction humaine dans ce type de conditions aussi extrêmes? Non, effectivement, on n'aura jamais envoyé un engin construit par l'homme aussi près du Soleil, aussi près d'une étoile. Les Américains appellent cette mission « Mission to touch the sun », une mission pour toucher notre étoile. Effectivement, c'est le cas. Quand on regarde et on réfléchit un peu dans par rapport à l'exploration du système solaire. On a quasiment exploré toutes les planètes, toutes les satellites de planètes. On a été à plein d'endroits. On a traversé la région de la limite entre le vent solaire et puis le milieu interstellaire. Donc, Voyager 1 et 2. Les héliosphères. Voyager 1 et 2. Il y a une région dans laquelle on n'a pas été, qu'on n'a pas observé. C'est l'héliosphère interne, au plus proche du Soleil. Et c'est en ce sens que la mission est également une mission exploratoire. Alors cette mission, elle a été pensée il y a très longtemps. Une cinquantaine d'années. Ça faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque, il y avait eu un fameux comité mis sur pied à la création de la NASA, qu'on appelait le comité Simpson, une assemblée de scientifiques très savants et qui ont déterminé des objectifs scientifiques pour la NASA, parmi lesquels il y avait l'exploration des planètes les plus proches, l'exploration de la Lune. Et une des missions qui était préconisée à l'époque, c'était à l'époque où Parker essayait de faire passer son article, c'était une mission pour observer la couronne in situ, faire des mesures localement. Et c'est une mission qui est très ancienne. Pourquoi n'a-t-elle pas été faite jusqu'à présent? C'est pas vraiment un problème d'instrumentation. L'instrumentation qui a été décrite, par exemple, par Thierry Dudoc-Devitt et Guillaume Janet, elle est utilisée couramment dans des missions autour de la Terre pour mesurer la magnétosphère terrestre. Les analyseurs de particules, c'est la même chose. Les caméras la caméra qui va regarder sur les côtés a déjà été envoyée. Donc, c'est pas un problème d'instrumentation, c'est un problème principalement de protection thermique du satellite. On n'avait pas de matériaux sur Terre et de systèmes de protection qui permettaient de se rapprocher aussi près du Soleil. Et dans cet environnement, en fait, on parle de 1 million de Kelvin. Il y a un autre point que je voudrais mentionner, qui est que, en fait, la température du satellite ne va pas être 1 million de degrés. Parce que, de toute façon, il n'y a rien qui résiste à 1 million de degrés. Il y a une différence entre température et chaleur. Alors voilà, il y a une différence entre température et chaleur, exactement. Ouais. La couronne est très chaude, mais elle est très ténue. Voilà. Si vous recevez 1 gramme d'eau à 100 degrés sur votre peau, ça va aller. Si vous plongez votre main dans un seau d'eau à 100 degrés, vous allez avoir mal. Donc c'est un peu la même chose. Là, faut pas confondre. Dans les deux cas, la température est la même, mais la quantité de matière n'est pas la même. Donc la couronne est tellement ténue que c'est pas elle qui va chauffer la sonde. Ce qui va chauffer la sonde, c'est la lumière. C'est les photons qui sont émis par la photosphère. Ces photons, à l'orbite de la Terre, le chiffre sur un mètre carré, on reçoit 1340 watts par mètre carré. C'est ces watts qui sont utilisés par les panneaux solaires pour faire de l'électricité. Proche du Soleil, c'est quelque chose comme 400 fois plus, parce que ça varie en 1 sur la distance au carré. Et donc, du coup, quand on compare les distances, à 10 rayons, la chaleur reçue se compte en mégawatts. Et donc, ce qu'il faut, c'est fabriquer un système de protection du satellite, de l'instrumentation, qui évacue la chaleur reçue. C'est ce fameux bouclier, donc, qui est fait en partie en titane, avec un revêtement blanc, très blanc, excessivement blanc, de manière à réfléchir déjà un maximum de lumière vers l'avant. Et puis l'autre innovation technologique un peu amusante, qui est en fait refroidie à l'eau liquide. Il y a de l'eau liquide à bord du satellite avec un système de pompe. Et le système de refroidissement est très proche de celui que vous avez dans vos voitures, où il y a une circulation d'eau... une source chaude, et puis après on évapore, on dissipe la chaleur. Il y a donc un système de refroidissement, et ce bouclier doit supporter ces températures. On va probablement atteindre 1300 Kelvin, et c'est à ce moment-là, quand on sera au plus près, qu'on saura si vraiment la sonde fonctionne correctement. Et surtout si elle survit. Mais bon, oui, pour l'instant. Alors, on doit finir, mais c'est juste ce que je voulais dire, oui, c'est que au premier passage proche du Soleil dans la couronne, on va savoir si l'environnement en poussière et tout ce qui se passe, le satellite va y survivre. Et la NASA n'exclut pas de changer l'orbitographie du satellite en fonction du premier passage. Parce qu'il y aura une des craintes dans 6 novembre. 6 novembre. 6 novembre, d'accord. Voilà. Parce qu'on risque. On ne sait pas si la sonde va bien ressortir de ce premier affleurement, et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra continuer. Si c'est pas le cas, il risque de revenir un peu plus loin pour la protéger. Merci beaucoup, on suivra ça évidemment très attentivement dans notre émission aux fonctions de ces différents passages le 28 septembre à proximité de Vénus pour la première fois, effectivement le 6 novembre je crois, le 1er novembre à proximité de la... Ça dépend des corrections de trajectoire, mais c'est... En tout cas début novembre, début novembre. On vous tiendra au courant et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup à tous les deux, merci Milan Maximovic, merci Alan Sacha Brun, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Tom Dunstock, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Dominique Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Un mot pour vous dire que vous pouvez vous précipiter dans vos kiosques pour le nouveau numéro de la revue France Culture Papier, papier consacré aux révolutions de l'intelligence qui reprend une partie des échanges que nous avions eus au printemps dernier à la Sorbonne autour de ce thème. Et puis pour vous dire que demain, eh bien, il sera question de Wikipédia dans la méthode scientifique, l'encyclopédie en ligne et comment elle a bouleversé notre rapport à la connaissance. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.